Une par une, les espèces abandonnent la terre. Les lieux sacrés sont saccagés. Pense-y, les pesticides dans le lait maternel, la bombe à neutrons. Pense-y. J'essaye d'écrire à propos des choses pour lesquelles la langue n'a plus de mots, et la signification des mots que j'utilise a été tordue et peut tordre ce que je veux dire. La religion en est venue à signifier que nous placerions notre confiance en dehors de nous, que nous resterions des enfants, suivant une longue série de figures paternelles, d'enseignants, de prêcheurs, de politiciens. Et comment savoir, lorsque nous avons cessé de nous faire confiance à nous-mêmes, si ce sont des dieux ou des psychopathes? Sommes-nous, en tant qu'espèce, en train de faire la file pour boire le breuvage empoisonné? Je suis forcée de faire face à la question. Ce que nous faisons germer aura-t-il le temps de prendre racine et de grandir? J'y pense d'abord en termes de foi. Je pense que le credo qui a absurdum des sorcières est la croyance en la vie qui continue, et en la possibilité d'une culture qui soit véritablement au service de la vie. Et je réalise soudain que ce n'est pas une question de foi, mais de volonté. Je veux que la vie continue. Nous avons collectivement créé des cultes de la mort. Nous pouvons collectivement créer une culture de la vie. Mais pour cela, nous devons délibérément quitter la file, abandonner le confort de laisser la décision à quelqu'un d'autre. Vouloir, c'est prendre nos propres décisions, être nos propres guides, nous engager nous-mêmes, engager notre temps, notre travail, notre énergie, à agir au service de la vie. Vouloir, c'est nous réapproprier notre pouvoir de nous réapproprier le futur.